Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le 18 juin 1979, l'appel à 39 ans. 1979, Charlie Mingus est mort, Sid Vicious, John Wayne et Jean Renoir aussi. Se tiennent les premières élections au suffrage universel du Parlement européen. Margaret Thatcher devient Premier ministre du Royaume-Uni. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir en Iran et Pol Pot le perd au Cambodge. Au Nicaragua, les sandinistes délogent Somoza alors qu'Amin Dada doit fuir l'Ouganda. On peut voir Apocalypse Now de Coppola et Manhattan de Woody Allen. Gloria Gaynor survivra, mais les clashs scandent London Calling. Sartre et Aron se retrouvent autour d'un bateau pour le Vietnam. Pour la sidérurgie lorraine, c'est le début de la fin, et pour Jacques Mesrine aussi. À l'automne, Jacques Chirac, maire de Paris, inaugure le Forum des Halles. Jean-François Bizot lance le Nouvel Actuel et prédit « Les années 80 seront actives, technologiques et gaies ». Moins confiant, le philosophe marxiste Nikos Poulantzas se jette du 22e étage de la tour Montparnasse. Le 18 juin 1979, Franck Venaille promène son micro dans le quartier Beaubourg pour les nuits magnétiques d'Alain Weinstein. Franck Venaille, Marie-France Nussbaum, La mémoire des pierres. Café qui ouvre ses portes. Café où sont servis, avec une goutte de lait, les premiers express. Le patron du snack bar sort ses tables. 6h45, peut-être. 46 rue Beaubourg. La ville s'éveille. Des gens qui passent s'engagent dans le couloir réservé au bus. On dit bonjour. On serre des mains. Qui pourrait penser à autrefois, hier, oui, vous savez, à ce jour où un certain Guillaume Apollinaire écrivit Le musicien de Saint-Méry. Personne. Des gens qui passent. J'en vois deux qui courent. Troisième arrondissement de Paris. Beaubourg, Beauce, Beaumarchais, Béranger, Berthaud, impasse. Petit métier, vêtements, chaussures, chapeau, casquette. Carcasse d'immeuble où apparaissent sur ce qui fut le mur de la salle à manger ou de la chambre du gosse des papiers peints, taches de couleur dans des gravats. On marche. J'allume ma première cigarette. Quatrième arrondissement de Paris. Il suffit de marcher un peu et Beaubourg, Beaumarchais, Beautreilly, Bérard, Cour, vous y êtes. On lève les yeux. Voici, coupant le ciel, les grandes grues rouges marquées Nord-France. Oui, des grues sous lesquelles le musicien, les mains tendues, s'en va, indifférent, jouant son air, s'en va terriblement, je crois. Terrassement, démolition, chantier interdit au public avec une pancarte franchement dégueulasse qui annonce que le port du casque est obligatoire. Il est 9h, peut-être. Il est 7h là. Logement, commerce, parking à vendre. Démolition encore. Voici G1, G2, G3... Les longues grues rouges en marche. On va, ça va? 9h, peut-être. Tout marche. Le Colombo, à l'Ours Martin, brasserie Le Cristal. Rue qui se coupe et s'entrecroise. Hôtel, tabac. Lisons permis de construire GV 3122 du 4-2-76. C'est donc ici que les gens viennent pour vivre. Je serais plutôt tenté de croire que l'on meurt ici. Je suis sorti. J'ai vu des hôpitaux. J'ai vu un homme qui chancelait et s'affaissa. Les gens s'assemblèrent autour de lui et m'épargnèrent ainsi la vue du reste. J'ai vu une femme enceinte. Elle se traînait lourdement le long d'un mur haut et chaud et étendait de temps à autre les mains en tâtonnant, comme pour se convaincre qu'il était encore là. Oui, il y était encore. Et derrière lui. 9h, peut-être. Souvenez-vous. La rue Rambuteau qui arrive. La rue Rambuteau qui passe. On eût dit vraiment que l'émeute était aux portes et le cloître Saint-Merry en feu. Mais, le premier effroi passé, la rue Rambuteau fut acceptée et, de fait, c'est une rue magnifique. Les habitants du 3e ne veulent pas la démolition du carreau du temple, qui est un véritable scandale. Scandale qui viendrait ensuite, comme le scandale des Batignolles, comme le scandale de la Villette. On a déjà dépensé 350 millions pour faire un marché provisoire qui va être certainement démoli. Le tribunal administratif a donné un violent démenti en annulant le permis de construire. Nous voulons conserver le carreau du temple, qui est un patrimoine national, un des derniers, pourrais-je dire, marchés style Baltard du 19e siècle, dont les Parisiens et tous les Français sont très attachés. Et pour des questions spéculatives, on veut démolir ce carreau du temple. On a démoli des bâtiments pour faire des appartements qui valent par exemple 750 000 francs le mètre carré, comme dans la rue des Audriettes, le Bondeville. Le carré Torigny, c'est 1 million ancien le mètre carré. Ça n'a rien à voir avec une population travailleuse qui est obligée de quitter le quartier, parce qu'il y a environ, entre les deux élections municipales, à peu près 25% de la population qui a quitté le quartier. Voilà, il faut que j'aille à mon travail. Moi, j'habite rue des Audriettes. Ça fait 40 ans que du banc de ville. Ça fait 40 ans que j'habite le quartier et je travaille dans le quartier. Je suis commerçant au carreau du temple. Et puis on a délogé des vieux et on leur a pris leur appartement pour le vendre à 1 million de carrés. On peut dire que la clientèle qui vient au carreau du temple, eh bien, lorsqu'ils voient ce bâtiment et qu'on va le démolir, ou les projets de démolition, eh bien, ils sont horrifiés. On a eu 50 000 signatures. De pétition. Très rapidement, on aurait pu en avoir des centaines de mille, mais on a arrêté. Les habitants du quartier sont pour la garderie du marché du carreau. Bien sûr, puisque les élections l'ont prouvé. On va louper la peine. Mais nous voir là-bas, ça vaut le coup, hein, c'est pas loin. Moi, je travaille la nuit ce matin pour dormir chez moi, c'est samedi. Ils sont en train de travailler dans la maison d'à côté, d'à côté il y a le boulet. Les autres jours, ils travaillent aussi de l'autre côté, dans au coin de la rue Michel de Comte. Si je rentre, je ne peux pas dormir. Là, boum, boum, boum. Si j'ai une voiture, je ne peux pas l'avoir, parce qu'il y a les gondesses qui passent tout le temps, comme le samedi. Je sais que les gens, il n'y a aucune raison que celui qui habite les arrondissements ou ailleurs, qui puisse avoir sa voiture et venir me fleurir chez moi en mettant la pièce et repartir. C'est pas pour les clients. Ouais, parce que moi, ma voiture est à la Bercy, je n'aide personne, c'est bon. C'est parti sur le trottoir, stationnement autorisé. Mais il passe, stationnement abusif depuis 24 heures. On est empoisonné par. Et vous voyez la circulation, c'est samedi. Demain dimanche, c'est pareil. Pour aller voir cette horreur de tuyaux, là ils sont tous là. Alors. Ils auraient pu me mettre à côté de leur ligne, je sais pas où, ce truc-là. Rue Saint-Martin, ça paraît pas trop mal, rue Saint-Martin. Alors rue Beaubourg, la rue Durner, qu'est-ce que vous voyez, les tuyaux, les tubes, la ferraille, évidemment. Les Allemands, là, au lieu de faire des canons, ils ont fait ça. Quoi. Moi, mon logement, ils n'ont pas pu l'acheter, pourquoi? Parce que c'est des domaines. Mais à côté, au 31 Michel Lecomte, ils ont viré les gens. Bon, ils ont relogé, d'accord. Non, ils sont en train de foutre en l'air les poutres et tout, ils vont remettre ça. Comment ça va être le logement? Mais en attendant, ils se coupent mon logement, moi, en faisant ce travaux-là. Comme ça, dans quelques années, le mien, il y aura des fissures, alors on foutra tout le monde dehors parce que ça s'écroule. Il est à côté au 27, sur le 7. C'est pareil que dans le temps, j'étais dans les cimetières, c'est pareil, quand on fait un travaux. Alors qu'on creuse entre deux tombales qui s'écroulent, alors le poids, ça fait... Ouais, c'est pareil. Quand je travaillais au cimetière, j'avais la paix, mais après aussi... Vous avez dans mon couloir, hein, rue Michel Lecomte, au 29, juste le premier couloir, après la maison qu'on démolit, après le porche. Évidemment pour aujourd'hui, mais quand il y a la semaine, quand il y a le feu rouge qui marche avec le bus et tout, des canaux qui s'arrêtent. Vous allez voir les nappes de la pollution, la pollution de Minati, je m'en fous. Les nappes de poussière noire, grâce de pétrole. J'en prends aussi de ça. Donc l'arrêt du feu rouge est à 20 mètres. Il stationne là. Alors si jamais il y a la mer dans la rue Beaubourg, il y a l'embouteillage, automatiquement, au lieu de stationner le temps du feu rouge, il y a deux, trois feux qui passent et alors, ça fume. Mais... C'est difficile à comprendre, la question aujourd'hui pour le... dans ce qu'ils veulent et dans ce qui est appliqué, dans ce qu'on subit. Hein. Il y a les rats de préparer tout ça, parce que tous les enfants en avaient les rats, mais je sais pas si les pauvres bêtes ils ont resté, donc ils sont en train de se barrer, peut-être du béton et de la pollution. Bon, je vais aller voir, j'ai le boulot. Et j'habite un quartier, donc je travaille la nuit, et quand je rentre chez moi le matin, ben, je peux pas dormir parce que c'est le bordel, c'est le travail. Chaque plan d'arrondissement est divisé en carrés de 600 mètres de côté. Chaque côté est délimité en hauteur par une lettre et en largeur par un chiffre. L'indicateur précise le carré dans lequel se trouve située la rue cherchée, puisque chaque nom de rue est suivi d'une lettre et d'un nombre. Adolphe Adam, O 10, commençant quai de Gèvres 14, finissant avenue Victoria, 13, métro Châtelet. Archive, P9, commençant rue de Rivoli, 52, finissant rue de Bretagne, métro Hôtel de Ville. On marche, on va, 11 heures peut-être, bientôt 11 heures. La nuit, des grilles de fer fermaient les deux extrémités de la rue, à la hauteur de la rue Aubry-le-Boucher et de la rue aux Ours, de 9h du soir à 7h du matin. Une escouade de gardes veillait aux deux entrées. Une cloche était fixée à la hauteur du numéro 88 et le guet sonnait pour annoncer la fermeture des grilles, tandis que des lanternes suspendues à des cordes éclairaient la rue. Ici, maintenant, sur une pancarte maladroitement écrite à la main, « Bureau de location au premier étage ». Là-bas, café, charbon, brasserie, lapin, chasseur, coquillette, 16 francs. Regardez, regardez maintenant cette femme qui, dans tout ce quartier, dans toutes les rues, avance. Dans cette photo-ci, j'ai photographié de l'extérieur de la vitrine. C'est rue Simon Lefranc, un fabricant de trophées pour les motocyclistes et les coureurs automobiles. Il est sculpteur, à vrai dire. C'est lui qui fait les plâtres, qui les moule. Et il était très fier de sa production. Je crois qu'il était content que je le photographie. D'abord, j'avais photographié la façade de sa boutique. Puis je suis rentrée, je lui ai expliqué que... Ça m'intéressait ce qu'il faisait. Alors il m'a dit, mais voulez-vous, je viendrai me mettre à la vitrine, comme ça vous pourrez me photographier également. Le quartier Beaubourg est un vieux quartier d'imprimeurs et de lithographes. Et dans cette photo-ci, on voit la lithographie Bramsen, des lithos de Topor qui sont en train de tirer. Voilà tout un monde qui continue quand même à vivre, et peut-être qu'ils profitent, elles, alors, de la proximité de Beaubourg. Je crois que ce que j'ai découvert, surtout dans ce quartier, c'est la diversité des gens qui habitent ce quartier. Les Chinois, le quartier juif autour de la synagogue, le carreau du temple. Autour de la synagogue, c'est aussi un quartier très particulier. Avec la boucherie cachère, avec le foyer des vieux, On sent qu'il y a encore une grande solidarité dans ce quartier. Sur cette photo-ci, on voit un atelier de cuir. La rue Montmorency, effectivement. Et la rue du cuir. C'est-à-dire, c'est le prêt-à-porter, donc des manteaux en cuir, des pantalons. Et là, j'ai voulu montrer un peu dans quelles conditions les ouvriers travaillent. C'était un tout petit atelier, sans fenêtre, avec un néon. Un autre quartier assez typique, c'est la rue du Temple, avec tous les orfèvres. J'étais dans l'atelier de Raviné d'Enfer, où il y a encore des ouvriers qui font tout à la main. Sur la photo de gauche, on se trouve dans la synagogue rue Notre-Dame de Nazareth. C'est, paraît-il, l'emplacement du plus ancien synagogue de Paris. J'ai eu beaucoup de chance car le rabbin m'a dit « Venez dimanche, il y a un beau mariage, on pourrait faire de belles photos ». J'étais contente car d'habitude on n'a pas le droit de photographier à l'intérieur d'une synagogue. Et là, j'ai pu saisir trois petites filles en collerette. C'était l'hiver, elles étaient en robe de velours. Elles étaient assises, elles, manifestement elles s'ennuyaient beaucoup. Et elles étaient assises devant trois messieurs en haute forme. Il avait l'air très digne et sérieux. Dans la rue Saint-Martin, un jour d'été, où le quartier était totalement vide, on avait l'impression que tout le monde était parti en vacances. Il n'y avait qu'à Paris les touristes et les clochards. J'ai photographié un clochard qui s'est trouvé accroupi sous une affiche d'Air France où on sollicitait les gens de partir en vacances. On voyait une belle plage et une belle fille qui sautait sur le dos d'un homme accroupi. Un passant m'a vu photographiant et il s'est fâché. Il m'a dit « Vous n'avez pas honte de photographier un clochard ?» Puis j'ai pas eu le temps de lui expliquer que c'était le contraste qui m'intéressait. Un des grands rassemblements du quartier d'ailleurs, des clochards, se trouve à la Tour Saint-Jacques. L'hiver, souvent quand il fait très froid, ils se retrouvent sur la place de la Tour Saint-Jacques. Et puis à une certaine heure, il y a le car des Bleus. Les Bleus, c'est une section de la police qui vient les ramasser et qui les emmène à la maison de Nanterre. Ils y vont volontiers, là, pour passer une nuit. Mais ce qui est moins agréable, c'est quand les Bleus vont les rechercher dans les métros et les forcent à monter dans le car. Un express, s'il vous plaît. Quartier tranquille. Ici, une porte. On la pousse et l'on entre dans le vide, dans 50 mètres de trop. Passant, pièces d'argent qui sur un zinc se mettent à sonner. Il est 11 heures, il est 7 heures, il est maintenant l'heure que vous désirez du lundi au dimanche. Quartier tranquille, qu'un appareil photo traque, traque et traque. Instant de vie. Format 6-9, 9-12, 18-24. Quartier tranquille. Photo numéro 1. Photo numéro 2. Photo numéro 3. On voit des tubes, des carcasses, des pavés. On voit des hommes qui bougent, qui bossent, des casques sous le soleil, la pluie, idem, monsieur, du lundi au dimanche. Ici, tenez, à l'angle de la rue des Lombards et de la ruelle Nicolas Flamel, on aperçoit la tour Saint-Jacques. Vous la voyez ? Seul reste de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, paroisse de la turbulente corporation des bouchers, vous savez, ces gens qui se mêlèrent à toutes les insurrections parisiennes. 14e siècle, on se bat. 15e siècle, on y est encore. Je me souviens très bien des combats de rue de 1358. J'avais une hache. Je peux vous dire que le sang... Rue Cloche-Perce ? Rue Cloche-Perce. Porte Saint-Martin ? Porte Saint-Martin. Je me souviens. Je suis repassé un soir, par là, un soir d'avril. Un ivrogne dormait dans le ruisseau. La même fenêtre était éclairée. Du côté de la rue des juges-consuls chantaient des gamins. Là, devant cette porte, je m'arrête. C'est de là qu'elle partit. Sa mère, échevelée, hurlait à la fenêtre. 13 ans, à peine vêtue, des yeux flambants sous des cils noirs, les membres grêles. En vain, le père se leva-t-il et vint à pas, pesant, traînant ses savates, attesté de son malheur, le ciel pluvieux. En vain, elle courait à travers les rues. Moi, je me reprends ça. C'est les gens qui sont là-bas. Ah, c'est les gens qui sont là-bas. Il y a deux trains. Je cherchais en fait à montrer les différents petits métiers qui existent encore dans le quartier. Par exemple, l'atelier de Plumeau. C'est le dernier qui reste à Paris. Rue Vieille du Temple. En fait, je suis sortie un petit peu du quartier immédiat, du centre. Mais c'était en me promenant un jour où j'ai vu atelier de Plumeau. Et je suis rentrée. Et j'ai demandé à photographier... La dame qui n'était pas la gérante m'a laissé photographier partout. Elle était ravie, l'idée de rentrer dans un musée, d'être peut-être accrochée sur un mur. Elle était fière de ses plumeaux. Elle en fabriquait au moins une vingtaine de sortes différentes. Et puis elle m'a montré la collection de son patron de plumeaux. Paraît-il qu'il y a plusieurs collectionneurs dans le monde qui s'acharne à collectionner des plumeaux. En particulier des plumeaux de plumes d'autruche, de différentes sortes très exotiques. Ensuite, je me suis retrouvée dans un atelier de robes de mariée. En fait, j'avais pris le bottin téléphonique et rue par rue, j'avais cherché les différentes institutions, les différents métiers qui existaient dans le quartier. Et je suis tombée donc sur cet atelier de robes de mariée, rue Beaubourg. Et là, j'ai pu me promener librement. Et j'ai photographié surtout les femmes donc, qui travaillaient dans cet atelier. Il y avait en particulier plusieurs chinoises, car c'est un quartier où il y a encore une assez grande population chinoise. Ce qui me frappait finalement, c'est que les gens se marient encore en blanc. Les chapeaux aussi. J'ai retrouvé un autre atelier de chapeaux et de fleurs artificielles. C'est un atelier qui se trouve rue Notre-Dame de Nazareth. Là également, on m'a montré toutes les moules en bois et en métal qu'on utilise pour faire les fleurs artificielles. « Les chapeaux étaient d'un baroque extraordinaire. Et je ne me rendais pas compte que tout ça se faisait à la main encore. J'ai pu photographier la plus ancienne ouvrière qui était dans cet atelier depuis 40 ans, qui vivait dans le quartier et qui sans doute mourra dans le quartier. Le vitrier aussi, de la rue Nicolas Flamel. C'est pas souvent qu'on voit encore un vitrier à Paris. Et là, j'étais heureuse. J'ai eu un plaisir visuel en faisant cette photo, car les vitres qu'il tenait sur son dos se sont alignées dans le prolongement de la tour Saint-Jacques. Et à travers les vitres, on voyait donc la tour Saint-Jacques. De temps en temps, on arrive à se faire plaisir en photo. Au coin de la rue Rambuteau, il y a un vieux fleuriste qui vient tous les après-midi avec son chariot. Ça doit être un ancien déal qui vient vendre ses jacinthes juste en face du centre. Les jeunes, évidemment, dans l'ensemble, acceptent beaucoup mieux le changement, le déracinement, le balayage de ce qu'ils ont connu. Par contre, les gens un peu plus âgés, qui soit sont nés dans le quartier ou ont vécu longtemps, ont du mal à admettre le changement. Et puis, quel changement ! C'est pas toujours agréable de voir disparaître tout un monde devant ses yeux. Ils ont déjà vu les halles partir. Et peut-être c'est encore la disparition des halles qui a modifié le quartier encore peut-être plus que le centre. Je ne sais pas. Les jeunes, évidemment, dans l'ensemble, acceptent beaucoup mieux le changement, le déracinement, le balayage de ce qu'ils ont connu. Par contre, les gens un peu plus âgés, qui soit sont nés dans le quartier ou ont vécu longtemps, ont du mal à admettre le changement. Et puis, quel changement ! C'est pas toujours agréable de voir disparaître tout un monde devant ses yeux. Ils ont déjà vu les halles partir. Et peut-être c'est encore la disparition des halles qui a modifié le quartier encore peut-être plus que le centre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À la fin, je veux dire, ce jour-là, à 15h, on ne sait plus ce qu'il faut penser de ce quartier et du reste. Vous ne trouvez pas ? Ça va ? Ça va. Des doigts qui se tendent. Un morceau de corps que, dans sa main, on serre en songeant à autre chose. Démolition. Du bruit, crac. Couloir poisseux. On pissait tous dans l'escalier, nous, les chiens. Rambuteau, Halles, Arts et Métiers, Étienne Marcel. Un bras se lève. Un bus s'arrête comme c'est étrange et fort, la vie. Je ne sais pas. Une nuit, à Soho, Il a vu ce qui, ici, est dit. Une autre dans le Bowery, mais ce fut pire. Je ne sais pas si les villes se ressemblent toutes. Je suis encore trop jeune. Rire. On riait dans cette rue, sous cette porte cochère, où une femme, ici, montrait à tous son... dans cette rue, où il marchait, où il avait peur. J'étais comme un archange, et toutes à mon passage s'agenouillaient, ne craignaient pas de déchirer leurs bas si noirs. Une autre fois, une autre encore, des fois encore, il est venu, il a marché, on le choisissait, lui. Où êtes-vous, femme du couloir du 87 rue Saint-Martin ? Une nuit, dans ce commissariat, j'en tremble encore, comme on hurlait. À l'origine, le Paris des affaires, le Paris du commerce, le Paris de l'argent, est concentré autour de Saint-Denis. Plus à l'est, de l'hôtel de ville à la Bastille, autour de la rue Saint-Antoine, ce sont les beaux quartiers résidentiels. Résidence royale, place royale, tout concourt à faire de ce secteur le pôle de l'habitat de luxe. Ce sera la gloire du Marais et de l'île Saint-Denis. Le quartier des affaires ne pouvait assurer son expansion que vers le nord-ouest, en un mouvement continu qui l'amène aujourd'hui à la Défense. Tel un glacier, l'argent charrie sur ses moraines l'artisanat, le commerce, le luxe, la mode, le spectacle, la vie publique, la vie tout court. Cependant, à l'est, il se passe quelque chose de grave. Le développement cancéreux des Halles, planté comme un coin entre l'habitat et les affaires, est en train de couper en deux la rive droite. Le Marais, le quartier Beaubourg, progressivement isolé du centre de la vie sociale, vont perdre leurs habitants au profit des nouveaux quartiers que le centre des affaires suscite devant lui, avant de les dévorer. La fatale décision de Napoléon III, décidant d'agrandir les Halles sur place, condamne au dépérissement le cœur même de Paris. Mais personne ne s'en aperçoit. C'est que la ville a d'autres soucis. Monsieur Haussmann, sans scrupule, a détruit le vieux Paris. Et le palais des Tuileries est brûlé par la commune. Sièges, guerres et incendies ont-ils découragé Paris ? Nous sommes en train de recréer un nouveau quartier, donc il faut expliquer un petit peu ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avons voulu sortir un petit peu des chemins battus de l'immobilier où on s'implante comme un astéroïde au milieu d'une rue pour montrer que nous faisons quelque chose qui, d'une part, s'intègre dans l'ensemble environnant et d'autre part, expliquer ce que nous avons voulu faire. Le nom de l'opération est donc Quartier de l'Horloge. D'abord, quartier. Pourquoi quartier ? Parce que nous reconstituons un véritable quartier, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de logements de tout type. Ce n'est pas un ghetto de luxe, ce n'est pas un ghetto de pauvres, il y a de tout. Nous avons des commerces qui sont tout simplement situés de part et d'autre de rue piétonne. Nous avons des parkings, nous avons une crèche, une école maternelle, un dispensaire, un immeuble de bureau. Et l'ensemble de toutes ces activités indique bien qu'il s'agit d'un quartier comme dans n'importe quel quartier de Paris. Nous ne conservons qu'un certain nombre de façades sur la rue Saint-Martin. Et sinon, c'était un îlot insalubre depuis 52 ou 53 ans qui a été démoli. Qui va être entièrement démoli, qui a été démoli en partie pour nous permettre d'assurer une tranche de l'opération et la tranche suivante verra l'achèvement du quartier de l'Horloge. Tout cela accompagnait le centre des affaires. La guerre de 1939 vient d'éteindre brutalement les lampions de la fête. Bien sûr, on essaiera, pendant la guerre et après, de les rallumer. Je pense que les habitudes de vie, les habitudes fondamentales de vie ne vont pas être changées. C'est-à-dire que les gens vont toujours conserver leur crémier rue Rambuteau, vont toujours aller chez le même crémier rue Rambuteau. Simplement, au lieu d'y aller au milieu des gaz d'échappement et des embouteillages de la rue Saint-Martin, ils iront à travers la piazza de Beaubourg. Les immeubles dans lesquels ils habitent ne bougeront pas ou seront réhabilités. Et alors là, il y a un problème un petit peu délicat, c'est que certaines opérations privées de réhabilitation, c'est-à-dire restauration d'un immeuble, ont été faites par des gens peut-être un petit peu douteux, sans tenir compte de la vie des personnes qui y habitaient. Il y a eu des scènes assez lamentables de personnes qui ont été expulsées manu militari. Ce sont des opérations ponctuelles qui ne sont pas très nombreuses, qui sont trop nombreuses, mais qui ne sont pas très nombreuses, qui jouent des failles peut-être de la réglementation. Nous sommes ici dans une zone d'aménagement différé, donc la ville a un droit de préemption sur toute transaction immobilière. La ville, si elle avait eu peut-être plus d'argent, aurait pu éviter ces abus. Mais ce sont des opérations, je pense, ponctuelles. Je l'espère. Et un habitat pour les faire. Aucun n'a les moyens de renouveler, et même d'entretenir, le capital immobilier. L'effort des jeunes sauveteurs du Marais mettra longtemps à éveiller la conscience publique, à montrer que cette déchéance est inadmissible. Non, tout cela n'arrêtera pas l'expansion de la capitale. Je pense qu'il y a un phénomène de remplacement. Si on prend l'exemple de la prostitution, effectivement, les prostituées qui faisaient 5 passes par heure ou 10 passes par heure, ça a disparu. Mais il y a sans doute un nouveau style de prostituée qui commence à arriver, qui est la prostituée qui, jusqu'à maintenant, exerçait son métier peut-être à Saint-Germain, et puis qui se rend compte que ses clients ont traversé la Seine. Donc je crois que c'est une mutation plus qu'une cassure. C'est un endroit où on pourra venir se promener, où on pourra venir se cultiver, où on pourra venir acheter. Mais la fonction loisir et la fonction commerciale, ces deux fonctions sont très souvent liées. Donc il y aura, dans 3 ou 4 ans, lorsque tout sera fini, il y aura chaque jour des centaines et des milliers de gens qui diront « Ah, que peut-on faire aujourd'hui ? Tiens, ben, on va aller se promener dans le quartier du centre Pompidou. Parce qu'il y a toujours quelque chose à voir. C'est un petit peu l'endroit où il se passe toujours quelque chose. En fait, tout ce quartier, ça sera l'endroit où il se passera toujours quelque chose. Donc ça sera la quintessence de l'animation d'un centre-ville. Le gros problème, c'est d'éviter que ça ne tombe dans l'odeur de la mauvaise frite ou dans la fripe à toutes les boutiques. Donc il y a une... quand on le peut, bon, c'est notre cas, il y a une volonté d'éviter une paupérisation prématurée et immédiate de l'environnement et de l'aspect de ce qui est construit. Si j'avais voulu vendre des commerces pour faire de la frite, pour faire des self-service ou pour faire de la fripe à 30 francs, ça aurait été vendu tout de suite. J'essaye de vendre des commerces à des commerçants de qualité qui ne vendent pas forcément cher, mais qui vendent des choses de qualité. Et je crois que c'est un petit peu la tendance générale des personnes qui possèdent des immeubles, qui possèdent des commerces dans tout le secteur. Et je crois que l'aspect des commerces est très important pour l'aspect d'un quartier. En effet, si Saint-Germain est un petit peu tombé depuis quelques années, c'est parce que le niveau des commerces a énormément baissé. On trouve de la frite moche très chère, on trouve de la frite qui pue, et on ne trouve plus de produits de qualité qui ne sont pas forcément chers. Et je crois que la notion qualité est très importante pour donner une image d'un quartier. Hôtel de ville, Simon Lefranc, Grenier Saint-Lazare, maison, cave, cour garnie de bureaux et de scribes. La rue Quincampoix connaît une affluence énorme. On y négocie. Spéculation. Photos qui, d'une main à l'autre, passent avec frénésie. Fin d'après-midi sur tout cela. Écoutez, voici les derniers coups de pelle de la journée. Après, je prends ma douche et je me tire. Hôtel de ville. Simon Lefranc. Oui, nous sommes bien en 1719, à moins que, décidément, posez à terre toutes les photos, le bleu du ciel sur tout cela. C'est quand, jadis, le roi revenait de Vincennes. Il vint une troupe de casquetiers. il vint des marchands de bananes. Fin d'après-midi sur le chantier, aux nuits spéculatives. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça serait trop moche pour que si je le dis tout ce que je pense. On nous a mis là-bas, oui, qu'en campois, avec les quartiers populaires de belles filles. Alors vous pensez que comment ça nous change, hein ? Oui. Qu'est-ce que vous aviez là comme appartement ? Oh, bah, 2 pièces, 1 cuisine, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on vous a donné ? Là-bas aussi, mais c'est beaucoup plus grand, mais c'est la rue qui ne nous plaît pas. D'ailleurs, à notre âge, on ne moisira pas là, tu crois ? Vous avez ? Pas 70 ans bientôt. On ne moisira pas là. Vous avez toujours travaillé dans le quartier ? Oh oui, j'ai toujours travaillé, j'étais artisan. Qu'est-ce que vous faisiez ? Le tricot. Et comment vous voyez là ? Mon pauvre, ne me demandez pas ça parce que. Si je vous dis tout ce que je pense, ça serait trop moche pour le dire. Alors. Mais non, justement. Non. Vous dites ça parce que ça vous a changé vos habitudes ou... Non. Qu'est-ce que... Seulement, je vais pas dire. Je ne vais pas critiquer des morts, hein. Mais seulement, pour leur égoïsme, pour leur ça, ils ont détruit un quartier, ils ont massacré un quartier, ils sont morts d'un quartier, tout. À cause de leur égoïsme, de leur pop. Parce qu'ils ont voulu qu'il reste après eux quelque chose pour l'humanité. Mais ils ont bien fait de l'humanité. Ils ont bien fait des quartiers. Un quartier populaire qui était là, commerçant et tout. Ça bougeait jour et nuit, ça bougeait. Regardez, qu'est-ce qui reste là ? Qu'est-ce qui reste ? Avant, avec la halle, ils ont dit, c'est la halle qui gêne tout ça. Mais la halle, ils sont partis là. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont massacré tout ça ? Tout le quartier, tout ça, je vous n'avez pas connu. Puis évidemment, je ne crois pas que vous étiez au monde déjà. Encore en 1932, que je suis là, vous n'étiez pas au monde. Alors, si vous arrivez là, comment ça a été ? Jour et nuit, ça n'arrêtait pas une minute. Ça n'arrêtait pas. Et maintenant ? Et à présent, qu'est-ce que vous voulez ? On boit un cimetière, c'est tout. Ça vous paraît trop calme maintenant, justement ? Ce n'est pas question de calme, c'est question qu'ils ont détruit un quartier. On condamne quelqu'un, que moi j'aurais tué quelqu'un, on me condamne à mort. Mais il y en a des autres qui ont condamné de plusieurs personnes que j'ai connues, qui se sont suicidées, qui sont morts de crise cardiaque à cause de leur déplacement. Alors là, on ne leur dit rien. C'est très bien. Ils ont provoqué plusieurs suicides, je connais les gens, je peux les nommer, qu'ils ont provoqué. Ah là là, c'est très bien, c'est des jolis, c'est des gens très bien, de haut placé. C'était des gens qui habitaient le quartier. Mais oui. Il y en a un pauvre malheureux là qui habitait là, qui avait un magasin des enseignes, là, des médailles, des ribbons. Quand on dit qu'il avait été qu'on le foutre à la porte, il a mort des crises cardiaques et puis c'est tout. C'est pour pas mal. Et pourtant, elle avait 75 ans, elle héritait son magasin de ses parents. Alors vous rendez compte, c'est pas d'aujourd'hui qu'il était là. Il y en a beaucoup qui sont morts de nuit et tout ça, leur déplacement et tout. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs personnes que je connais. Sans compter que je ne connais pas tout le monde. Et les trous de halle là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme populaire là-bas ? Alors. J'ai encore mon petit atelier, je le garde. Je le garde parce que je m'ennuie dans l'appartement toute la journée. Je le garde, je paye le loyer pour rien, je ne travaille pas évidemment. Parce que c'était au premier étage, nous habitons au troisième, quatrième étage. Tandis que là c'est le premier étage, sur la rue, on s'ennuie moins. Vous comprenez ? Je le garde, autrement je ne paye rien, je ne travaille pas. Je ne peux pas travailler premièrement. Premièrement, je ne suis plus artisan, puisque je rendais l'artisanat. Et deuxièmement, la matière première est tellement augmentée qu'on n'arrive plus à faire un prix. Celui-là qui était toujours dans le quartier, s'il ne pense pas comme moi, il pense encore plus mal, encore plus. Parce que moi, je m'adapte encore assez bien à la situation comme c'est. Mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas autre chose que le trou de halle. Le quartier de Halle et tout ça, qu'ils n'ont jamais bougé de leur trou, ils le sont drôlement. Et il y a beaucoup de monde qui vient en ce moment dans le voir le musée, tout ça. Moi, vous me direz, je n'ai jamais mis les pieds. Ça, c'est une chose que je dis à une bêtise. Si je vivrais encore 50 ans de plus, je ne mettrais jamais les pieds là. c'est pas la peine. Oh non, non, je vais rentrer là-dedans, on m'a jamais la vie. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Si, ça sera peut-être pour l'hiver, ça sera pour le vieillard. La bibliothèque, ça sera un trou de refuge pour se chauffer, pour lire le journal, ça sera peut-être bon pour les vieux. Et celui-là qui ne peut rien faire, enfin. Mais vous, qu'est-ce que vous vouliez alors, que le quartier reste comme il était? Après, il n'y a rien, on peut... Je veux rien du tout, à mon âge, je veux rien, absolument rien. Il y a la seule chose qu'il fallait faire. Il y a 20 ans, 25 ans, qu'il fallait faire. Agrandir la halle, si c'est démolir tout ça, pas cette saloperie-là. Agrandir la halle à la place de la halle, de mettre ici, de mettre la halle aux fleurs, la halle au fromage, et puis laisser, parce que Paris, les étrangers, quand ils n'ont pas vu la halle, qu'ils n'ont pas mangé leur soupe aux oignons, le matin, à 5h du matin, ils n'ont pas vu Paris. Eh bien, c'est tous les étrangers, à présent c'est fini là. Mais ça, il s'est redonné. Oh. Je peux rien dire là. Il y en a qui se sont complets les proches, croyez-moi. Mmh. L'école Saint-Méry, qui est une école un peu pilote, qui se trouve entre la rue du Renard et la rue Saint-Méry, est peut-être une des seules institutions qui a bénéficié du changement du quartier. Car à cause de la construction du centre, les architectes ont été obligés de construire une nouvelle école. Et c'est une école qui utilise des méthodes pédagogiques tout à fait intéressantes. Mais ils souffrent du manque d'espace pour jouer. J'ai photographié sur cette photo, on voit les enfants donc, pendant la récréation, où ils n'ont qu'un bout de terrasse pour jouer et quelques pneus. Sur la photo de gauche, c'est l'école de cirque. Qui se trouve Square Chautant. C'est une école de cirque qui dépend du centre Sylvia Montfort, où on entraîne donc les futurs clowns, les futurs funambules. Et ce qui m'intéressait dans cet espace extraordinaire, c'est les colonnes, les cariatides, et ensuite en reflet, le jongleur qui faisait ses exercices. C'est vraiment une des plus belles salles du quartier. Un autre endroit que je fréquentais beaucoup, c'était Bouvard-Sébastopol, l'Académie des billards. Là, chaque après-midi, les hommes d'un certain âge se retrouvent, c'est comme un club, se retrouvent chaque après-midi à faire leur partie de billard. Rue Notre-Dame de Nazareth, aussi dans la photographie à gauche, on voit l'école de karaté. Là, c'est des cours de le soir. Les gens viennent suivre ces cours de karaté. Rue Saint-Méry, il y a un des plus beaux cafés de Paris, qui est devenu maintenant restaurant. Un café qui s'appelle Le Curieux, qui mérite d'ailleurs bien son nom, car le décor est ce qu'il y a de plus curieux. Je ne devrais peut-être pas dire plus pour que les gens y aillent, pour voir eux-mêmes. Et autrefois, c'était un café, on pouvait y aller, boire un verre et ressortir. Maintenant, c'est un restaurant. C'est un peu dommage. Ce qui m'a frappé à l'église Saint-Méry, là, dans cette photo, on voit bien le nombre de Chinois qui s'y trouvent. Il y a même une messe en chinois qui a lieu chaque mois à l'église Saint-Méry. Il y a un père chinois, l'abbé Yang, qui dit la messe en chinois. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les Chinois du quartier qui y viennent. Il y a des Chinois un peu de partout, dans tous les quartiers de Paris qui se retrouvent. Et après la messe, il y a un thé et tout le monde se retrouve et se parle. Peut-être une des choses les plus intéressantes qui a été produite par l'implantation de Beaubourg, c'est l'activité de la piazza. Dans cette photo-là, j'ai voulu montrer les différents battleurs. Entre autres, un qui m'a beaucoup frappé, c'est le mangeur de cigarettes. Je ne sais pas si on le voit encore, mais à un moment donné, il y venait régulièrement tous les après-midi. Il mangeait des cigarettes allumées, des clous. C'était un beau numéro. Je ne sais pas si cette activité de la piazza est spontanée. Mais il faut dire que ça attire un public extraordinaire. Rappeler que j'avais désiré d'être infâme, ou plutôt qu'il aurait fallu, à toute force, que cela fût. Je devinais des rires à travers le tumulte des voix, les lumières, la fumée. Mais rien ne comptait plus. Je serrai Edwarda dans mes bras. Elle me sourit. Aussitôt, transi, je ressentis en moi un nouveau choc. Une sorte de silence tomba sur moi, de haut, et me glaça. J'étais élevé dans un vol d'anges qui n'avait ni corps ni tête, fait de glissements d'ailes, mais c'était simple. Je devins malheureux et me sentis abandonné comme on l'est en présence de Dieu. C'était pire et plus fou que l'ivresse. Et d'abord, je sentis une tristesse à l'idée que cette grandeur, qui tombait sur moi, me dérobait les plaisirs que je comptais goûter avec Edwarda. Quartier des Halles, cette grande ombre là-bas, sous laquelle des silhouettes passent et passent, sous le signe de Madame Edwarda, porte Saint-Denis. Avec beaucoup de difficultés. Mais il ne s'agit pas d'élever avec difficulté parce que regardez quand vous plantez un plant de tomate à cette saison-là, eh bien, ça va faire une fleur. Mais c'est vrai que les tomates, elles sont cuites s'il n'y a pas de tuteur, s'il n'y a pas un repère. le Père. Et le Père, ok, notre Père, le Créateur. Je veux dire que ce Père-là, il est Père s'il est aperçu en nous. Je veux dire qu'on se l'aperçoit. Il s'aperçoit si Satan perçoit. Ici, il y avait, tu vois, c'était un terrain vague, il y avait des cantines pour les ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Mais non, c'est bien, ça amène plus de monde. Avec le musée Pompidou, cette petite place, il y a pas mal de, je sais pas, de personnes âgées, bon, qui descendaient pas de chez elles, parce que le quartier, bon, bah, il était pas terrible. Mais là, bon, il y a des bancs, tout ça, ça amène davantage de monde. C'est déjà, il y a plus d'animation dans le quartier, je trouve. Il y a pas mal de choses qu'il n'y avait pas avant qu'il y a maintenant, comme bon, d'abord le musée Pompidou, cette place, les gens qui y viennent, enfin d'abord pour ceux qui viennent distraire les gens et les gens qui viennent regarder. Ça, je crois que le quartier qui après le départ des Halles était un peu endormi, bon, bah, maintenant je crois qu'il va recommencer à revivre avec ça. Je déteste pas le quartier. Oui. Enfin, il y a déjà un peu moins de monde le mardi. Avec le musée Pompidou qui est fermé, il y a déjà moins de monde. Mais alors surtout le samedi et dimanche, que les gens ne travaillent pas. Alors là, il y a du monde. Enfin, il y a moins de monde le samedi que le dimanche. Voilà, le dimanche. Il y a des gens dans le quartier, ceux que je connais, il y en a d'autres que je connais pas. Mais que, par exemple, quand ils vont faire un tour dans le quartier, bah, ils font un détour ici. Pour venir s'asseoir ou hein, pour voir s'il y a du monde. Ça amène du monde. Pour les camarades, les espaces verts, tout ça, c'est bien. Enfin, mais ce qui ne viennent pas par ici, ce qui les énerve, c'est le musée Pompidou. Il y en a que ça énerve. Bon. Il faut bien s'y habituer. Hein. Rétif de la Bretonne, mort. Gérard de Nerval, pendu. Desnos, Robert, qui habitait 11 rue Saint-Martin, je vois votre ombre qui avance au milieu des émeutiers de 1832. Ce n'est rien, rien qu'une évocation, le retour en force de la mémoire. Ainsi, on dit que ces lieux sont désormais voués à la fête, bien. Je veux bien, nous n'y participerons pas. Il est minuit. D'un pas égal, un marcheur un peu triste erre d'une porte à l'autre. Il n'a pas dîné. Il marche en sifflotant tout de même. Tout se passe dans sa tête. C'est donc ici que les hommes vont continuer à vivre. Bien, je veux bien, au milieu des sirènes, des bétonneuses. Moi, ce que je préférais, c'était les grues, leurs longues tiges métalliques. Un homme, un autre, chacun se raconte, discussion, dans un bistrot tranquille. Déjà, je ne saurais plus reconnaître ces passants qui m'ont parlé. Visage, comme de la buée sur une vitre. Quand on les suit, il n'en reste plus rien. Minuit, peut-être. Claquement d'un fouet. Ici, le plaisir rôde. Mais je ne sais pas si ce mot est le plus juste. Au début, ce qu'il aimait, c'était marcher le long du boulevard Sébastopol ou rue du roi de Sicile. Rencontre, tu montes, on monte. La vie suit son cours. La vie fleuve, a des crues, des décrues. On pourrait aussi bien se balancer dans la Seine, mais on continue. Pour ça, on continue. Tu montes, on monte, donc. Il arrivait qu'ainsi, la nuit, il marche. Il marche dans son étrange solitude. Oh oui, qu'ainsi, il marche. Soliloque, moment d'extase, ambiance, mort et pendu. Quartier Beaubourg, Saint-Méry, Saint-Martin, Saint-Denis, unité de lieu. Six heures du matin à minuit, unité de temps. Personnage, le couple qui crie au scandale, un type dans un bistrot, la photographe, l'acheteur de cigarettes, le promoteur, le petit vieux ancien artisan, quelques enfants jouant au football et qui aimaient le Red Star, la voix de la foule. Moyen technique, Nagra. Lecture. Guillaume Apollinaire, Rilke, Desnos, Georges Bataille. Troisième arrondissement, quatrième arrondissement, plusieurs chantiers. Avec Jean-Pierre Fourdraine, Jacqueline Truta, Marie-France Nussbaum, Martine Franck. Mémoire des pierres. Franck Venaille. Que nous sommes dans la rue, restons-y. Arlette Farge, bonsoir. Pour simplifier, disons que vous êtes attachée de recherche au CNRS, c'est-à-dire que vous êtes chercheuse. On ne dit pas chercheur, je crois. Non, l'habitude c'est toujours de dire chercheur, et j'étais contente qu'on puisse m'appeler une fois chercheuse. C'est pas très joli, mais... Et pour simplifier aussi, disons que vous venez de publier chez Gallimard Julliard, dans la collection Archivre, un livre passionnant, dont le titre est « Vivre dans la rue, à Paris, au XVIIIe siècle ». C'est un recueil de textes que vous présentez. Et votre présentation commence par une question. La rue comme objet historique. Oui, c'est une question, pour moi, je l'ai vite résolue, je crois, parce que, en effet, si je voulais étudier la rue comme un objet historique, il fallait d'abord que je trouve les gens qui vivaient dedans. Et finalement, il fallait que je travaille sur ceux qui n'ont jamais parlé. Les hommes de la rue. Oui, les hommes, les femmes de la rue, sur ceux qui vivaient sans laisser de traces, ou tout du moins sans laisser de traces officielles. Alors, c'est difficile pour l'historien. Bon, c'était très difficile pour l'historien, mais à ce moment-là, il fallait renverser les idées reçues et travailler à partir du désordre. Et au fond, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur des sources qui étaient celles du désordre. Alors, parlez un peu des sources. Oui, bon, bien sûr, les sources sont les archives judiciaires. Mais ça ne m'intéressait pas du tout d'aller chercher le bon délinquant, le gros assassin, le méchant parricide, etc. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver le tout petit délinquant, enfin, celui qui fait le plus petit désordre pour que finalement il y ait quand même une trace dans les carnets des commissaires. Alors, finalement, je travaillais sur des gens qui portent plainte, mais ça ne fera pas une affaire plus tard, il n'y aura même pas un procès. Et parce que, à cause d'eux et autour d'eux, il y a des tas de gens qui viennent témoigner. Et c'est finalement à travers ces témoignages que je retrouvais à la fois les gestes de la rue, les ruptures, les solidarités, les moyens de rencontre, toute une sociabilité, moi, qui me fascinait complètement et que j'ai essayé de restituer. Donc, à partir de ces menus faits, vous avez pu retrouver les gestes quotidiens des gens qui n'ont pas d'histoire et même pas de petits incidents avec la police. Oui, et puis, si vous voulez, je voulais aussi, je crois, en plus, tirer un trait sur une idée reçue, c'est-à-dire, bon, on se dit toujours au 18e, dans la rue, c'était vraiment malheureux. Bon, c'est vrai, ils étaient vraiment malheureux. Mais à travers tous les témoignages et tous les interrogatoires que je pouvais lire, je voyais tellement une telle vitalité dans cette rue que je voulais aussi restituer cette force de la rue. Bon, cette gestuaire, ces corps toujours en mouvement, bon, des choses peut-être que nous avons perdues, peut-être que nous avons gagné par ailleurs, mais je voulais montrer que, bien sûr, il y avait du misérabilisme, mais que par ailleurs, il y avait une force, une spontanéité, quelque chose d'étonnant. Mais dans cet intérêt pour la rue à Paris au XVIIIe siècle, est-ce que vous ne projetez pas un peu de ce romantisme qui n'existait pas à l'époque ? Oh, d'abord, je ne sais pas si ce romantisme n'existait pas à l'époque. Le mot n'existait pas, mais... qui existe chez l'historien aujourd'hui, en tout cas. Oui, non, je ne crois pas. Je crois que je voulais restituer une force populaire, plus qu'un romantisme. C'est-à-dire, je voulais restituer des élans qui n'ont jamais été marqués, parce qu'on a toujours travaillé sur les choses officielles, sur les discours, et que finalement, on n'a jamais travaillé sur ceux qui ne disent rien et qui sont morts sans jamais rien dire. Et ce n'est pas forcément du romantisme que de travailler sur ces gens-là. C'est peut-être juste une interrogation ou une angoisse, mais... Alors, vous notez trois phrases qui forment les sections du livre. C'est le plan de votre ouvrage. La rue pour vivre, s'approprier l'espace, le contrôle de la rue. D'abord, la rue pour vivre, ce n'est pas évident pour nous aujourd'hui. Non, la rue pour vivre, bon, ça me plaisait beaucoup comme titre, parce que justement, ce qui est très très frappant, c'est que la rue, finalement, c'est un espace que ces gens-là subissent. C'est-à-dire que de toute façon, comme pour la plupart, ils arrivent de la campagne, deux tiers d'entre eux arrivent de la campagne, ils arrivent, sont projetés dans l'espace urbain, ils ont beaucoup de difficultés à trouver un logement, trouver un travail, et de toute façon, ils vont marcher longuement dans cet espace, et c'est dans la rue qu'ils vont vivre. Mais d'abord, à grands traits, il faudrait peut-être montrer le plan de Paris à cette époque. Paris, c'est quoi au XVIIIe siècle ? Paris, c'est tout d'abord mi-urbain, mi-agricole, parce qu'il y a autant de rues que de vignes, que de champs de haricots verts et que de champs de blé. Rapport au Paris actuel, comment peut-on se repérer ? Ah bon, les grands boulevards, ça ferait à peu près nos boulevards périphériques. Hein. Et puis, bon, le Paris, c'est la cité, c'est l'île Saint-Louis, ce sont les Halles, ça c'est le Paris populaire. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que bourgeois et pauvres vivent au même endroit à ce moment-là. C'est que vers la fin du 18e que les riches s'en iront vers l'ouest. Ils iront construire vers l'ouest. Mais là, ils sont ensemble, dans les mêmes immeubles d'ailleurs. Ils cohabitent, vraiment. Alors, évidemment, ils n'ont pas les mêmes appartements, mais ils cohabitent dans les mêmes immeubles. La rue, c'est une manière de vivre au XVIIIe siècle. Oui. Mais à vous lire et à lire les documents que vous publiez, on a surtout l'impression que c'est une manière de mourir. C'est une manière de vivre comme une manière de mourir. C'est une manière de subsister. C'est une manière de chercher la vie. C'est une manière de rencontrer sans cesse l'inconnu. De vivre avec l'inconnu, puisque comme on a quitté sa famille, on est parti de la campagne, on a laissé sa femme et ses enfants, on arrive dans une structure complètement inquiétante, et finalement, on se lie à des gens sans arrêt. Et c'est ça que je trouvais le plus fascinant, c'était de voir comment les gens se rencontrent et se lient sans même se connaître, tout le temps. Mais est-ce que ce n'est pas surtout rencontrer la misère avant de rencontrer d'autres hommes ? Bien sûr, c'est rencontrer d'autres hommes et rencontrer la misère. Et les autres hommes, c'est le propre miroir de votre misère. C'est une misère, bon, je crois, très forte, qui se lie sur les corps déjà, parce que la rue est agressive et les gens sont agressés par la vie qu'ils y mènent. Donc c'est des corps malmenés, ce sont pas de beaux corps au sens où nous les entendons maintenant. Ce sont des corps estropiés, ce sont des gens souvent malades, ce sont des gens acculés à abandonner leurs enfants, ce sont des gens qui ont faim. Et on est très frappé par le nombre des enfants perdus ou abandonnés dans les rues à Paris. Oui. Alors là, je crois que il faut savoir quand même que le sentiment de l'enfance, il existe très fort. C'est pas parce qu'on perd son enfant dans la rue ou parce qu'on l'abandonne qu'on n'aime pas l'enfant. C'est qu'on a un autre rapport avec l'enfant et on n'a pas à juger de ce rapport-là. Mais c'est vrai que c'est ce qui préoccupe beaucoup la police au XVIIIe siècle, c'est de voir ce nombre d'enfants qui sont laissés sur les porches des églises. Les statistiques sont effrayantes. Oui, elles sont effrayantes. Bon, elles sont pas sûres, hein, vraiment. Mais elles impressionnent, elles sont énormes. Et puis, on vient abandonner son enfant de la campagne, on vient de loin, parce qu'on sait que, on se dit que dans la ville, il y aura toujours un inconnu qui prendra en charge l'enfant. C'est ça que je trouve extraordinaire aussi. C'est que finalement, c'est un lieu de misère, mais c'est un lieu où on fait confiance à des gens qui pourront faire quelque chose. Mais il n'y a pas que les abandons, il y a aussi les enfants qui se perdent. Oui, il y a les enfants qui se perdent parce que ne connaissent pas, et puis aussi parce qu'ils ont envie de quitter la maison. Ou ils ont envie de quitter la maison, ou bien ils ont envie de quitter l'atelier. Parce que tout petit, ils travaillent. Et donc, ils vont s'en aller, ils vont fuguer, ils vont dans les rues, puis ils savent plus. On les retrouve souvent sur le bord de la Seine, qui est quand même un lieu, alors là, la Seine. Oui, la Seine, il s'y passe bien des choses. Oui, la Seine, c'est plus rien de ce qu'on connaît. Enfin, d'abord, c'est pas entouré de béton, c'est mou, c'est spongieux. Et la Seine charrie des corps, oui. Et parfois des membres. Oui, parce qu'il y a en plus tous les médecins qui sont vraiment acharnés à cette époque-là à disséquer, à faire de l'anatomie. Et alors, ils s'en vont dans les cimetières la nuit pour retirer des morceaux, des débris humains. Et comme ils n'ont pas le droit de faire ça, et que après ils sont embarrassés, ils jettent ça dans la Seine. Mais c'est aussi ce rapport entre les morts et les vivants constant. Les cimetières sont ouverts à Paris. Ils sentent mauvais, c'est vrai, les gens s'en plaignent. Mais le jour où on voudra les fermer, ils se révolteront parce que la vie et la mort cohabitent dans un étrange mélange. Vous dites que la rue est l'espace essentiel des pauvres. Oui. Que voulez-vous dire par là ? Mais je veux dire que même leur maison est ouverte sur la rue constamment, c'est-à-dire qu'elle ne ferme pas, que les espaces, les gens vivent à plusieurs. Il n'y a pas un espace privé et un espace voilà, public. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas une intimité. C'est la bourgeoisie qui a une intimité. Alors on ne se protège pas derrière une intimité. De toute façon, on ne peut pas y vivre longtemps dans la maison. Donc on vit dans la rue. D'abord, on va chercher l'eau dans la rue. On n'a pas de cuisine. Donc on a des tas de points de rencontre qui sont dehors. Et il n'y a pas tellement de séparation entre le dedans et le dehors. Et on peut dire que c'est ça qui caractérise la rue au XVIIIe siècle. Oui. Cette confusion entre l'espace privé toujours. Et l'espace public. Oui, et même pour la vie de travail. Les boutiques sont ouvertes et puis tous les petits métiers ambulants font que le travail se passe dehors. Oui. L'essentiel de la vie est dehors. On va en parler tout à l'heure, mais oui. Pour l'instant, le tableau que vous brossez est plutôt sinistre. Et pourtant, on s'amuse à Paris au XVIIIe siècle. Oui, c'est un... On y danse comme on n'y danse plus du tout. On y danse, on s'y amuse parce que moi je crois que la fête et la mort vont ensemble. Alors où danse-t-on ? Dans la partout. Rue ou est-ce qu'il y a des endroits non. pour ça ? Justement, il y a des endroits pour ça, pour la mémoire historiographique, parce qu'on a dit qu'on dansait sur le Pont-Neuf, mais on danse partout, à chaque carrefour, en bas, dès qu'il y a de la musique, sous un auvent, quand il y a puis, un cabaret. Il y a les lieux fréquentés par la canaille, hein. Les cabarets, les guinguettes... Oui, bah alors il y a les lieux du centre, il y a les cabarets, puis il y a les lieux de la périphérie, c'est-à-dire les lieux des barrières. Bon, là où on fait des trafics, où on échange du vin, où on fait du troc, où on passe des trucs en fraude. Bon, alors c'est là où on danse aussi. On y va le dimanche et on y fête ce qu'on appelle la Saint-Lundi, parce qu'on ne travaille pas le lundi. Il y a beaucoup de fêtes qui sont de vraies fêtes, et il y en a certaines qui sont plutôt sinistres. Ce sont oui. les exécutions. Oui. Attire beaucoup de monde. Ben là, c'est justement une évolution complète. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe, c'était vraiment une grande fête quand même. On y allait pour s'amuser à l'exécution. Puis, il y a un passage qui se fait. C'est-à-dire que finalement, l'exécution, ça devient un lieu d'horreur. On ne supporte plus. Il y a des seuils d'intolérance qui se font. Et ça, c'en est un. On supporte plus et on supporte plus les supplices. Et finalement, ça va être à la fois un lieu de fête et un lieu de violence. Un lieu de violence contre l'ordre. On trouve dans votre livre beaucoup d'anecdotes... Beaucoup de pittoresques, ce n'est peut-être pas ce que vous préférez que le lecteur y trouve. Si. Vous vous intéressez aux rapports sociaux. Alors, comment s'exprime la sociabilité au XVIIIe siècle, dans la rue ? Alors, la sociabilité, j'allais dire, c'est presque toute une histoire. Bon, la sociabilité dans la rue, c'est d'abord s'adresser tout le temps à l'inconnu, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de connaître son nom, son adresse, pour se parler, faire affaire avec quelqu'un, boire une chopine avec lui, et finalement lui demander un logement, trouver un travail. Et il y a une espèce de système de relais dans la ville, c'est-à-dire on va de gens en gens, On sait qu'à tel endroit, on pourra trouver quelqu'un qui va vous renseigner pour finalement vous dire que là-bas, peut-être, vous pourrez avoir du travail. Puis au milieu, vous cueillerez des artichauts, parce qu'il y a des artichauts qui traînent. Puis après, vous arrêterez pour boire. Et cette sociabilité, elle est en même temps très étirée dans le temps comme dans l'espace. C'est-à-dire, elle se passe autant de jour que de nuit. Bon, et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve être très intéressant, parce que ça donnait aux gens une notion du temps tout à fait différente que celle que nous avons maintenant. Très étirée, puisqu'ils marchent à pied. Et en même temps, très étiré à la fois dans le jour comme dans la nuit. Mais est-ce qu'on peut parler d'une solidarité? Est-ce qu'on peut dire que la rue fonctionne comme un système de protection? Ah oui, j'en suis sûre. C'est un système de protection, un système de solidarité très très fort. D'abord, c'est un endroit opaque pour la police, parce que très très difficile de s'y retrouver. Les ruelles sont très entrelacées. Bon, et finalement, dès qu'arrive la police, on peut très très vite se faufiler. Et c'est donc un endroit où on se protège tout à fait particulièrement et où on a des relations de voisinage qui sont d'une intensité très très grande, à la mesure même où justement on n'a pas d'intimité, où on sait exactement tout ce qui se passe chez le voisin. Mais pourtant, tout ne se passe pas sans violence. La violence prend bien des formes. Il y a à Paris des zones très dangereuses, des îlots de marginalité aussi. Oui, mais la violence, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, c'est un moyen d'expression populaire. C'est peut-être pas ce que nous nous mettons tant à l'extérieur. C'est parce que, finalement, on peut pas attaquer le bourgeois, on peut pas attaquer le riche. Donc on va avoir de la violence entre soi. Et une façon de s'exprimer entre soi qui est très violente. Et on ira chercher le commissaire que quand vraiment on sera très très ensanglanté. Et là, on touche aussi à... Ça arrive, ça, souvent. Oui, ça arrive souvent, mais parce que c'est ça qu'on voit dans les archives. Mais finalement, avant qu'on en arrive là, il y a des tas de rixes, si vous voulez, pour lesquels déjà maintenant à notre époque on aurait appelé le commissaire. Mais il y a aussi un seuil de souffrance aussi qui est tout à fait différent du nôtre. Je ne veux pas dire par là qu'on souffre moins, on souffre autrement. Vous avez analysé certains groupes sociaux qui possèdent plus que d'autres l'espace de la rue. Oui. Vous parliez tout à l'heure des métiers ambulants, par exemple. Oui. Quels sont-ils, ces métiers ambulants? Oui, alors là, bon, il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer. Bon, il y a d'abord les porteurs d'eau, ceux qui vont sans cesse de la Seine ou des puits porter l'eau dans les étages, et qui, hommes ou femmes d'ailleurs. Et puis, il n'y avait pas l'eau à tous les étages à l'époque. Non, justement, donc il fallait monter les étages pour porter l'eau. Et puis, il y a tous les vendeurs de tas de choses. Il y a autant de vendeurs de petits moulins à vent que de vendeurs de café au lait pour ceux qui partent travailler le matin, que de vendeurs de pommes d'amour. Ça existe encore, que de vendeurs d'aiguilles, de ce qu'on appelle des gagne-deniers, c'est-à-dire les petits commissionnaires, qui vont justement accentuer ce système de relais. Ils vont faire une course pour quelqu'un, et puis là-bas, ils feront une course pour quelqu'un d'autre. Puis il y a les blanchisseuses, qui portent les ballots de linge. Alors elles sont très très mal vues, parce que dans leurs ballots de linge, très souvent, elles cachent des fœtus ou bien des infanticides. Ça nous ramène à la Seine. Ça me ramène à la Seine, parce que je crois que l'eau, pour moi, l'eau et Paris, cette époque, c'est très très important. Puis il y a aussi tous ces soldats en congé. Oui, alors les soldats, d'abord, ils sont jamais que soldats. Ils sont déjà pas du tout contents d'avoir été recrutés. Vous savez qu'ils sont recrutés par tirage au sort. Ils aiment pas ça du tout. Ou bien ils sont recrutés parce qu'ils ont été saoulés dans un cabaret par l'officier recruteur. Alors ils sont obligés de partir. Et finalement, quand ils sont en congé à Paris, ils en profitent largement. Alors là, les cabarets, la canaille, la prostitution. Vivent leur désœuvrement. Bien sûr. Alors la prostitution aussi joue un rôle très important. Oui. Parmi ces groupes sociaux, vous isolez ce que vous appelez les femmes du monde. Oui. Bon, la prostitution, c'est de toute façon presque, j'allais dire, bon, un thème presque trop traditionnel. Mais ce qui frappe au XVIIIe siècle, c'est que la prostituée, elle est aimée du public. Elle est... On peut même pas dire qu'elle soit vraiment détestée de la police, mais en fait ça, je crois que ça n'a pas changé. Mais elle fait partie du paysage et elle est aussi conspuée que protégée. Ce qu'on peut dire, en tout cas, pour conclure ce survol de votre livre, c'est que la rue fait peur et que bientôt, l'ordre va faire des progrès. Alors vous étudiez le rôle de l'institution policière, vous étudiez aussi le rôle de la justice. Oui. Et bientôt, l'espace urbain va être menacé d'uniformité. Les classes populaires vont être repoussées dans les faubourgs, derrière ces fameuses barrières dont vous parliez tout à l'heure. Alors il y a un déplacement, un renversement qui va se produire. Dès lors, c'est une volonté révolutionnaire de reprendre Paris. C'est... Au XVIIIe siècle, on vivait dans la rue, et désormais, le mot d'ordre, ça va être descendre dans la rue, reprendre la rue. la rue va devenir l'espace d'une résistance et l'enjeu d'une liberté. Oui. C'est fini. Bon, la rue, de toute façon, je crois que les gens vont vraiment, vraiment résister avant qu'elle leur soit reprise. Par exemple, j'en ai un tout petit exemple. Quand le jour où on voudra mettre le nom des rues, inscrire le nom des rues sur faire des plaques de rue, eh bien, la population descendra et molestera ceux qui vont inscrire le nom des rues parce que ils se sentent dépossédés de leur espace. En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, à lire absolument, « Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle », Arlette Farge, collection Archives, Gallimard, Julliard. Nuit magnétique, Alain Benoît, Michel Spiranzon, Bernard Treton, Alain Weinstein, bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 juin 1979.